française qui veut se masturbe devant Télécon. C'est un sportif à la grosse queue, trois gosses pour les allocations. Il vote Le Pen ou bien Sarko, il crache sur tout ce qui est bronzé. C'est une grosse pure, un vrai facho, un supporter du PSG. Mettez sous le signe de l'Hexagone, c'est bien la honte en vérité. Des cons sur son trône, sa politique me fait gerber. Apprentissage au scout de France, il sort de là, c'est un cadeau. Un coup la Bible, un coup Mein Kampf, monsieur se fait des couilles en or. Esclavagiste au télécom, il compte les morts sur son calepin. Madame sa femme a l'air d'une conne, elle chante Sardou tous les matins. Sous le signe de l'Hexagone, c'est pas une gloire en vérité. La République a l'air d'une conne quand elle expulse les sans-papiers. Pour lui, les femmes sont inférieures, tout juste bonne affaire des gosses. Monsieur se prend pour un seigneur, c'est un gros con, c'est un craignos. L'Élysée envie de les chiottes, c'est Von Besson qui a dégueulé. Le petit Sarko se prend pour Pol Pot, il veut une France carchérisée. Se branler sous le signe de l'Hexagone, la nationale identité. Sarko-Léon sur son trône, une Marseillaise pour les paumés. Se reproduisent au mois de janvier en attendant la transhumance, la coupe du monde à la télé et la belle-mère pour les vacances. Ils sont racistes juste ce qu'il faut, ils sont de gauche les jours fériés, altermondialistes écolos, putain ils doivent vraiment se faire chier. Voter sous le signe de l'Hexagone pour les guignols de la télé. Des cons perdra son trône, j'suis prêt à payer ma tournée. En attendant la transhumance, la coupe du monde à la télé et la belle-mère pour les vacances. Ils sont racistes juste ce qu'il faut, ils sont de gauche les jours fériés, altermondialistes écolos, putain ils doivent vraiment se faire chier. Voter sous le signe de l'Hexagone pour les guignols de la télé. Roi des cons perdra son trône, j'suis prêt à payer ma tournée, c'est la mienne.